sauver sa peau, me diras-tu. Personne ne se souciera de toi. Ni de moi d'ailleurs. Mais là ce soir, sous les étoiles, où tout est aligné, de façon désordonnée, d'un point de vue, c'est le chaos. Là ce soir, faut-il sauver sa peau sous les étoiles alignées comme il faut, se cacher sous des effets, des masques se protéger. Tu m'évitais de te protéger. Est-ce que demain est-ce le passé? Est-ce qu'il nous tient, laisse tout enchaîner? Il faut sauver sa peau sous ses étoiles mal orientées. Un peu d'amour sous un ciel bleu couvert si nuageux. Reviens le soir, que ferons-nous? Sauver leur peau et toi et moi tout oublier. Ne reste plus que la fumée. Tout s'est cassé, tout est gâché, rien ne reste, même la fumée de nous, toi et moi, n'existe pas, n'existe plus, gâché la peau. Toi et moi n'existe pas, gâché la peau. Et rien ne reste, même la fumée.